Tu as déposé quelques mots dans mon oreille. De quoi as-tu rêvé cette nuit? C'était un monde que tu ne connais pas. Il y avait du feu et des cris affreux. Il ne faut jamais que tu vois ça. C'était inhumain et douloureux. C'était comme vivre la mort de Michel Berger, ou ne plus trouver ses cigarettes. D'ailleurs ce matin, mon café avait un goût de souffrance secrète. Alors je t'ai dit que je voulais venir. Tu as refusé, tu n'as pas voulu m'expliquer. Alors j'ai insisté, je t'ai dit que j'allais mourir. Tu m'as pris par la main, doucement, et tu m'as avoué droit dans les yeux. Tu m'as dit que c'était fini entre nous deux, parce que je crie en dormant.